Prentsan aitzinian agertu dia, vine, jauna paueko zuzendai, paueko ospitaleko zuzendai, eta lui labado, mauleko mea, oen aitzinian ospitalien sozarenkoak, berriz aitzinian, ezai dutu, paueko zuzendaiak. Il y a le grand frère qui vient aider le petit frère à se sortir un peu de ce marasme. Parce que sinon, le petit frère serait vraiment en difficulté. Et je ne jette pas la pierre au petit frère, je vous l'ai dit plusieurs fois, monsieur le maire. Oartaz dezagun, maule berriki berriz paueko ospitaleko zuzendaigua ikilan lotu dela, urte batez behoguz jauntzi ondotik, oluez behesiz. Haren ARS osagarri agentziak beharruken du sozekari mauleko ospitaleko lanen pakatzeko ospitalia ezin bestian behizen sozen aldetik. Paueko anai handiak ebai belagungoa ekarri du, ondoioz mauleko ospitaliak beharko du plegatu egitura edo jaikuntza handiago dien nahi hoier, nahiz ez tiene txitakortz elkibiden aldetik eta budjetaen xuxentze planaentako. Prentsaitzineko denboan ebaiten zionia senditu da, vine jauna eta mauleko mea ikilan. Où ça sera et quand ça sera, mais ça sera progressivement. Et comme on a le temps devant nous, il y a des départs en retraite, mais il y a peut-être des départs en retraite qui ne seront pas compensés. On peut se donner... Peut-être. Mais moi, je ne veux pas raconter d'histoire, hein. Monsieur le maire, vous le savez, je vous l'ai dit avant. Je vais faire des propositions qui seront argumentées, puis elles seront présentées au personnel et présentées aux instances. Et les instances voteront. Xuxentze plana urte undarian presentatuko da, eta berdenboan, Xibioko haitetxiek gogozkatze bat abiatu die, Baionaikin lotzeko mauleko ospitalia, mauleko meak hoi baztertzen du, erranez bea dela delibea sale, ospitaleko zaintze kuntseien bidez, horzatekino, ez zatekiala holakoik errepikatu du.